La patience dans sa forme la plus pure, c'est un état d'esprit dans lequel vous ne manipulez pas les événements. Vous les vivez quand ils viennent, mais vous les manipulez pas. Quand je dis vous les manipulez pas, c'est que vous attachez pas aux événements, vous attendez pas qu'ils se produisent, vous attendez qu'ils viennent à vous. La capacité de vivre les événements à ce niveau-là, c'est une capacité qui vous permet de vivre dans leur temps à eux autres et non dans votre temps à vous autres. Puis quand vous commencez à vivre dans le temps de la conscience, automatiquement, vous détruisez votre propre temps psychologique. Puis en détruisant votre temps psychologique, vous vous libérez d'énergie astrale, d'énergie émotionnelle, d'énergie astrale de toutes sortes, et vous accélérez le développement vers le supramental parce que, au niveau de votre ego, vous vivez de plus en plus le détachement envers les événements. Puis ce qu'il y a d'intéressant dans cette expérience-là, c'est que quand vous vivez le détachement envers les événements, vous vivez automatiquement le détachement envers vous-même. Parce que les événements sont liés à vous-même. Vous les manufacturez psychologiquement, les événements, dans votre mental, mais ils se manifestent jamais comme vous l'avez prévu. Fait que si vous apprenez à être détaché des événements, les événements vont venir, oui, parce que vous le sentez ou vous le savez, mais ils vont venir dans leur temps et ils vont venir dans un temps qui est propice à leur réception. Si vous êtes impatient, les événements, vous allez les faire, vous allez les activer avant le temps et vous allez apporter dans votre vie pas seulement l'événement favorable, mais aussi l'événement défavorable. Parce que dans tout événement, il y a du favorable et du défavorable. Il est important à ce point-là. Pour vivre un événement simplement d'une façon favorable, il faut que l'événement soit vécu d'une façon totalement impersonnel. Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter une maison. Si vous êtes pressé, vous allez acheter une maison, mais vous allez vous apercevoir tout à l'heure qu'il y a des pipes qui pètent l'hiver, qu'il y a d'autres choses qui pètent l'hiver. La maison n'est pas bien construite. Vous avez attiré à vous la maison. Puis là, pour certaines personnes qui connaissent Joseph Murphy, pour qui j'ai énormément de respect, je vais faire un volet. Ça fait partie de l'ancienne psychologie d'attirer à soi des choses. On doit les créer. Si on attire une chose à soi, elle va venir. Murphy a raison. Mais elle va venir avec tous les aspects favorables et défavorables rattachés à cette chose-là. Parce que vous l'attirez par l'énergie astrale. Le grand désir. Mais si vous savez qu'une chose doit venir parce que vous en avez besoin dans votre vie, cette chose et que vous attendez qu'elle vienne à vous dans son temps, vous ne l'attirez pas, cette chose, vous la construisez dans le mental. Et dans la construction du mental de cette chose, vous détruisez automatiquement tout ce qui est astral dans cette chose. Et quand la chose vient à vous, elle est totalement libérée planétairement, elle vous appartient et elle est favorable. Il est là la petite différence, le volet que je veux faire pour les gens qui s'intéressent à la philosophie de Joseph Murphy. Grand respect pour M. Murphy, grand respect pour ses idées. Ses idées sur le plan de la mécanique de l'esprit fonctionnent. C'est ce que les gens connaissent d'ailleurs. De là son succès, ainsi de suite. Mais l'autre condition que j'ajoute à ça, c'est que si vous attirez à vous des choses, elles viendront avec leur sueur. Mais si vous attendez que les choses viennent à vous parce que vous les construisez dans le mental, à ce moment-là, les choses viendront d'une façon totale, parfaite, et vous aurez simplement l'aspect favorable de ces choses-là. Et pour faire ça, faut être patient. Alors, vous avez le choix d'avoir votre maison dans 2 mois ou vous avez la capacité de l'avoir dans 2 ans. Faut pas avoir de désir. Faut savoir qu'on a de besoin. Ça fait partie de la nouvelle psychologie encore. Si vous savez que vous avez besoin de quelque chose, c'est plus un désir astral C'est une c'est une formulation mentale de ce que vous avez de besoin. Sans ça, la chose que vous allez avoir, elle ne sera pas ce que vous auriez dû avoir ou ce que vous auriez pu avoir. Elle sera autre chose. Bien important de travailler avec le temps, et c'est très dur de travailler avec le temps. Parce que quand on travaille pas avec le temps, on force les événements, et quand on travaille avec le temps, on est obligé d'attendre dans leur temps à eux autres. Et eux autres, à ce moment-là, quand vous avez la conscience de leurs énergies, ils vont vous faire faire les mouvements. Ils vont vous faire faire les mouvements, et tout à coup, hop, paf, exemple, ton affaire. Moi, j'ai acheté une propriété dernièrement, ça fait 10 ans que je le sais. 10 ans que je le sais, que je dois avoir une propriété, un genre de propriété, bababababababab. Je l'ai trouvé dernièrement. J'ai eu même la date précise que je la trouverais. Mais j'ai fait tous les mouvements, tu le sais. J'ai fait tous les mouvements, les mouvements. Puis c'est pas une affaire de prix, parce qu'elle me coûte plus cher que l'autre propriété. Mais elle est ça. Elle est... Quand la propriété vient, là, ils disent, c'est celle-là que t'achètes. Elle est parfaite. Mais faut que t'attendes. Alors, bon. Peut-être, après un moment donné, on se trouve dans le vide. Ouais. On n'a plus rien. On n'a même pas été le dernier à faire une continue, il y a une condition, ça, vas-y. Fait que là, quand à un moment donné... Ce que vous autres, vous considérez pour le moment comme le vide, c'est un état psychologique dans lequel votre ego est incapable de se servir autant qu'avant des illusions ou des formes. Ça, c'est ça que vous appelez le vide. C'est pas un vide total. C'est un vide partiel. C'est l'état dans lequel, c'est le passage entre la psychologie ancienne et la psychologie nouvelle. Quand vous serez dans le grand vide, à ce moment-là, vous souffrirez pas du vide. Vous allez être bien seulement dans le vide. Fait qu'il y a 3 étapes. Il y a le plein, qui est fautif. Il y a le vide partiel, qui est un mouvement vers le vide total. Puis le vide total où tu veux rien du plein, puis tu veux, fautif, puis tu veux rien du vide partiel. Parce que ce vide-là, il est parfait. Puis dans le vide parfait, tu manques de rien. Ce qui arrive, là, c'est qu'on peut pas t'empêcher de penser. Non. OK? Fait qu'automatiquement, en pensant, la moindre pensée, on dit dans la forme. Oui. Fait que quand à un moment donné, là, on dit, bon, ben, comme moi, par exemple, je vais arriver, je suis en train de devenir consciente que je pense. Parce que moi, c'est pas moi qui parle, mais ça veut dire que les pensées me viennent. Là, je voudrais arrêter parce qu'en fait, ben, ça fait penser encore d'une autre forme de désir. C'est un entraînement, ça l'ouvre. Oui. Mais ça, à un moment donné, tu veux tout te défaire de tout ça. Oui. Faire un posément désir ou quoi de l'autre. Oui, oui. Puis là, à un moment donné, ben, t'es encore poigné en petit poignet, fait que ça devient de plus en plus confus. Puis plus c'est confus, ben, plus il y a des ventes, puis plus t'es mélangé, puis en tout cas, d'une suite, ça l'ouvre pas. Bon, mais je vais vous expliquer cet aspect-là. Dans la destruction des formes, dans le corps mental inférieur, sont obligés de vous écœurer. Ben, c'est écœurant. Sont obligés de vous écœurer. C'est pour ça que, quand je vous disais au début, quand je vous parlais de vos souffrances, tu sais, je parlais des souffrances, c'est ça. Ils sont obligés de vous écœurer. C'est comme ça qu'ils détruisent les formes dans le corps mental. C'est une souffrance, la destruction des formes dans le corps mental. Puis éventuellement, quand c'est fait, ben, t'es plus capable de penser. Il n'y a plus de forme. Toi, t'es dans le vide. C'est un vide plein. Mais, quand vous comprenez ce processus-là, c'est pas parce que vous comprenez que la souffrance sera pas là. Je prends vibratoirement. Oui. Puis je suis pas capable de l'arrêter. Non, tu peux pas l'arrêter. Tu pourras pas l'arrêter avant 3 ans et demi. J'ai vécu une dépression nerveuse, puis j'ai l'impression que les idées venaient vite, ben c'est encore la même chose. Oui, exactement. Pas en état de dépression, non, je le sais. Non, c'est différent. C'est écœurant. Tu comprends pourquoi ce que je dis, quand éventuellement, quand tu n'as plein de cul, tu sais que tu te fâches, là. Bon, mais c'est ça, c'est ta volonté-là, puis c'est ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a très peu dans le monde qui vont pouvoir passer à travers l'initiation solaire. Parce qu'il y en a très peu qui vont pouvoir subir ce jeu, puis ce jeu, puis ce jeu, puis ce jeu, puis ce jeu, puis ce jeu, puis ce jeu, puis ce jeu. Parce que c'est pénible, je le sais, moi je l'ai vécu. C'est pas humain. Pas humain. Ah, quand, mais quand tu te parles de même, là, ils te font rire. Ben, c'est vrai? C'est ça. Mais ils sont tous... Bernard, t'as envie de quelle planète qui va entrer en conjoncture avec la nôtre d'ici les 3 prochaines années? Ça commence déjà à nous affecter. D'ailleurs, tu sais, si on a déjà une mentalité comme ça, à vouloir s'ouvrir, à vouloir travailler dans le cadre, à vouloir évoluer, face à soi-même, face à vous autres. C'est quoi, Christian? Elle vient d'où, cette influence-là? Tu me demandes des questions triquées. Elle vient d'où? Je te demande personnellement, ouais. Il me semble que tu as répondu tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas une planète dénommée, par exemple. Oui. Dénommée Mercure. Dénommée Mercure. Mercure. Mercure. Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Moi, j'explique ça à ma façon, là, c'est oui. Puis, Mercure, c'est la planète de l'intelligence, c'est la planète de l'information, c'est la planète de la communication. C'est pour ça qu'on perçoit certaines choses, certaines personnes perçoivent certaines choses. C'est ça. Pas de questions. Exactement. On le reçoit pas. C'est ça. Et Jupiter, c'est la planète de la destruction de la forme. Il va falloir choisir un peu ou une autre. Non, on vit les deux. Vous vivez les deux en même temps. Ah, il y a une contradiction. Non. Vous vivez les deux en même temps. L'énergie passe. Elle fait son travail, puis la destruction de la forme se fait en même temps. Que chaque sorcière de personne. C'est ça. Selon l'influence de l'une sur un être humain, l'influence de l'autre sur un autre personne. C'est ça. Ça déchire la personnalité. Ça fait comme si tu vis deux vies en même temps. Il ne faut pas se laisser berner par ça. Hein? Absolument pas, il ne faut pas se laisser berner. Il ne faut pas se laisser berner du tout. D'ailleurs, c'est ça que je vous ai expliqué depuis le début. Quand je vous dis, prenez pas pour du cash tout ce qui vous passe dans votre tête. Croyez pas tout ce qu'ils vous disent. Prenez ce qui vous plaît, seulement. Alors, t'as le choix de te choquer entre les deux. Effectivement, t'as le choix de te gueuler, mais ça va finir la même chose pareil. Mais au moins, ça finit toujours la même chose, seulement ce qui se produit dans in the meantime, c'est que tu descends ta volonté, puis tu descends ta volonté, puis tu descends ta volonté, puis tu descends ta volonté. Fait qu'éventuellement, il y a un équilibre entre ta volonté puis là, eux autres. Faut qu'il y ait un équilibre entre le haut puis le bas. C'est pas dans la spiritualité que vous allez trouver cette volonté-là. C'est dans le combat entre vous et eux autres. Entre votre intelligence et eux autres. C'est-à-dire te prouver concis face à ce que tu as déjà. Pas de te prouver. Pas te prouver. Dans le sens de combattre la forme. C'est pas eux autres que tu combats, dans le fond. C'est la forme que tu combats. C'est toi-même que tu combats. C'est ça. Très juste. Très, très, très juste. C'est pas eux autres. Parce que eux autres sont en dehors de la forme. Mais quand tu combats la forme, que t'as l'impression de te combattre eux autres parce qu'eux autres manipulent l'énergie qui est dans la forme. Après ça, quand t'as détruit la forme, ils vont dire t'avais raison. Puis t'avais raison. Puis t'avais raison. Mais c'est un jeu. Non, parce que t'avais raison. Parce que avoir raison, c'est être capable de détruire la forme. Non, Bernard, parce que moi, j'ai une idée d'expérience, c'est pas tellement longtemps. Ils te reprennent au bout de la ligne, ils te reprennent une deuxième fois, puis c'est encore deux fois plus fort. Parce que le travail est pas fini. There is spot in the back. Hein? There is spot in the back. They have to finish the work. Faut qu'ils finissent le travail. Le travail, le travail prend le temps que ça doit prendre suivant vos personnalités. Vous êtes tous différents. Wow. Parce que, oublie pas que le travail qui se fait, c'est pas au niveau de la psychologie. Comme au niveau de l'ancienne psychologie, tu peux dire, au niveau de l'ancienne psychologie, tu peux dire, t'as compris quelque chose. Mais au niveau de la nouvelle psychologie, c'est toujours un perfectionnement, puis un perfectionnement, puis un perfectionnement, puis un perfectionnement, alors, puis un perfectionnement. Alors, si tu ne lâches pas, c'est parce qu'il y a quelque chose là. Parce que le travail n'est pas fini. C'est parce qu'il y a encore autre chose à faire. Right people. Fait que l'affaire de la patience, c'est ça. T'en arrives à être patient, puis quand t'es bien, bien patient, t'es bien, bien conscient, puis quand t'es bien, bien conscient, t'es bien, bien patient. C'est un cercle. Mais si là, quand arrive, être bien patient, à des moments donnés. Ouais. Des moments donnés, quand tu fais des descentes. Ça dépend. Ouais. Tu mélange pas ça. C'est pas ça, la patience. Non, je sais. La patience, là, c'est d'être capable de supporter une situation vibratoire, psychologique, humaine aussi longtemps qu'eux autres veulent. Sans que toi, t'en souffres. Comme supposons que je suis avec vous autres, là, je suis bien, bien fatigué. Là. C'est pas que j'ai pas dormi pendant 5 heures, là. 5 jours. Je suis bien fatigué, là. Je peux pas partir quand je veux. Je sais que je vais partir. Ouais, je sais que je vais partir. Ou je peux dire combien de temps, ils vont dire 3 heures. 3 heures. 2 heures. Je peux pas partir avant ça. Mais les cas sont assez ajustés, là, pour que l'ego soit pas capable de se créer une forme de désir de partir, pour partir avant le temps. Fait que je reste tout le temps, pis quand j'ai resté tout le temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Sans ça, je retarderais le travail. Il y aurait une énergie, il y aurait un niveau de vibration qui aurait été atteint. Puis vous autres, vous partiriez avec le sentiment que ça n'a pas été complet. Donc, comme moi, je le sens. Fait qu'il y a un temps. Puis de la même façon, ça pourrait être le contraire. Je pourrais venir 5 minutes, sacrer mon camp, ça me donnerait tout un mot du chat, vous allez tout payer 10 piastres pour rien. C'est la même vibration. Comprends-tu? On payera pas le prochain fois. Je ne sais pas où j'aurais pu payer beaucoup. Je donne un exemple qui est précis. T'en arrives à vivre dans leur énergie. Mais pour vivre dans leur énergie et pas souffrir de leur énergie, c'est ça la résistance. C'est ça qui vous écœure pendant des années et des années. Parce que quand tu vis dans leur énergie, à ce moment-là, tu vis dans le pouvoir de l'énergie. C'est quand tu as l'énergie pour être patient. Tu sais que tu t'écœures pas dans ce temps-là. C'est le temps qu'il faut. Quand tu es dans l'énergie et que tu as cet état de résistance, tu es automatiquement patient, dans la patience. Tu pars quand c'est le temps, vibratoirement, tu le sais. Il t'envoie une vibration que tu le sais que c'est le temps de partir. Tu pars pas avant. C'est bien important, la patience. Ben, ça a l'air bien niaiseux, mais c'est bien important. C'est un état, la patience. C'est directement lié à votre pouvoir mental, la patience. Qu'est-ce que tu appelles forme positive dans le moment où on vit en ce moment dans notre évolution? Ça veut dire que dans l'évolution que nous vivons en ce moment, qu'est-ce que tu appelles forme négative et forme positive? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai l'impression qu'on le vit. C'est vraiment, il n'y a plus rien qui tient. Les cataclysmes, les expériences personnelles, les affaires politiques, les histoires de guerre, tout ce qui arrive en ce moment comme conflit mondial, c'est hors de la portée de ce qu'on veut reach out for. OK. Mais est-ce qu'on est par nous-mêmes maintenant? Il n'y a plus personne qui nous aide en ce moment pour l'évolution qu'on a à faire. Ça dépend de nous autres si on veut ou prendre la barre ou la manquer. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre par soi-même avec notre évolution personnelle jusqu'au point où on est rendu, soit de la prendre, la barre ou de la manquer. Il n'y a plus personne qui va nous aider à partir de maintenant. Une fois que vous entrez dans l'évolution, l'expérience est totalement personnelle. Il n'y a personne qui peut vous aider. Vous êtes obligé d'y vivre les changements vibratoires. Des gens peuvent vous donner des clarifications, vous dire oui, mais, vous faire comprendre que vous n'avez pas compris comme il faut. Mais vous devez le comprendre par votre propre expérience. Une personne peut vous parler de 5 des points de référence. Alors, suivant la précision vibratoire de cette personne-là, elle peut vous aider plus ou moins. Mais c'est par votre propre expérience que vous vivez l'expérience. Moi, je peux pas vous aider. Je vous instruis. T'es un point de référence. J'étais un point de référence. Ouais. Mais je peux pas vous aider. Non. Comme ça, soi-même. Alors, on est par... Vous pouvez pas vous aider vous-même non plus. Vous devez vivre par vous-même l'expérience. Et vous devenez automatiquement de plus en plus conscient. La seule chose que je fais, c'est que je vous donne des points de référence pour vous empêcher de pas pouvoir comprendre. Les points de référence vous permettent de comprendre, de saisir certaines choses au fur et à mesure que vous avancez, que vous avancez, que vous avancez, que vous avancez, que vous avancez. Mais l'expérience, c'est vous autres qui vivez. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus la connaissance, puis la psychologie, puis la philosophie. C'est la vie. L'intégrale, c'est total. C'est absolu, à part ça. Un exemple, ton exemple. Ton exemple, c'est ça, je dis tout le temps, je peux pas vous donner de conseils. Je peux voir quel bord ça va aller, c'est évident. Et quand même, je dirais, ça va aller ce bord-là ou ce bord-là. Vous donnerez des conseils, ça serait pas bon. Parce que vous suiveriez ce que je vous dis. Puis je pourrais vous dire quelque chose qui sera totalement autre, hein, seulement pour vous donner un choc. Faut que vous viviez votre propre expérience. Une fois que vous comprenez les principes de base de l'individualité totale, la centricité, pas se faire influencer, puis que vous vivez l'énergie, quand l'énergie arrive à son niveau, il y a une situation de crise, vous prenez vos décisions. Fait que c'est ton expérience à toi. Fait que ça marche pour la patience? La patience, c'est un état d'esprit. C'est pas une attitude psychologique. C'est pas un désir. C'est un état. C'est un pouvoir de l'esprit, la patience. C'est un pouvoir. Non, il n'y a pas d'effort en patience. C'est un état. Ce que je peux te demander, c'est ce qu'est l'humilité, maintenant? L'humilité, c'est un état, encore, qui provient du fait que l'ego n'est plus capable de se voir, de se sentir, de désirer, de vouloir s'améliorer. Il n'y a rien. L'ego est vide, il est neutre. L'humilité, c'est la neutralité totale de l'ego. Pis ça vient au fur et à mesure que vous subissez les changements vibratoires. L'humilité, quand même vous voudriez être humble, vous pouvez pas. Parce que vous allez voir que dans votre humilité, il y a d'orgueil. Mais est-ce qu'on peut vivre le conflit entre un petit peu d'orgueil extérieur, mais que l'humilité vient d'abord? Oui, vous pouvez avoir la conscience d'une humilité à cause de votre conscience. Pas vouloir la laisser voir aux gens. Ouais, sais pas, vous pouvez avoir ça, mais vous allez voir aussi un petit peu d'orgueil, mélange entre les deux. Il y a une humilité qui est un défaut, puis il y a l'orgueil qui est un défaut. Il y a un conflit. C'est une polarité. Ça, c'est l'ego qui veut se libérer de l'orgueil pour devenir un, mais ça fait partie du désir spirituel de l'ego. Faut que l'ego en arrive à l'humilité absolue, qui est un état dans lequel il n'y a aucune vibration dans l'ego. Être humble, c'est pas avoir de vibration. Quand t'es humble, là, les gens, là, qui sont avec toi ne peuvent pas sentir ton ego. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux tenir ça à la tête. Ils peuvent pas sentir ton ego. C'est ça l'humilité. Aussitôt que les gens peuvent sentir ton ego, il y a de l'orgueil. Ou il y a une humilité qui n'est pas arrivée à son point de finalité. C'est quand les gens peuvent pas sentir ton ego que là, ils sont willing de t'écouter parce que c'est plus de conflit. Fait que là, si tu refais un travail quelconque en public, ça marche. Mais aussitôt que les gens sentent la moindre petite orgueil ou n'importe quoi qui n'est pas ajusté, il va avoir une résistance quelque part. Ça va bloquer, vous allez pouvoir parler, jaser, dire des choses intéressantes que vous sentez, que vous savez, que vous percevez, mais ça ne pourra jamais pénétrer avec la vibration totale du mental supérieur, qui est tout à fait. Faut pas que les gens sentent l'ego. Ça, c'est un état. C'est avec le temps que vous entrez dans cet état-là. Puis quand vous êtes dans cet état-là, bien, c'est facile, à ce moment-là. Que vous fassiez n'importe quel travail, vous aboutissez toujours à un résultat quelconque. Parce qu'il n'y a pas d'ego. L'ego, c'est l'ennemi de l'ego. Ouais. C'est très occulte, l'humilité. C'est pas ce que les gens pensent. C'est pas une charité chrétienne. C'est ça que je dis souvent pour être graphique. Allez voir un prêtre ou un monseigneur avec sa poupe pis tout. Allez dire quelque chose qu'il n'y en a pas, vous allez voir comment c'est qu'il est un. As-tu d'autres questions? Des points à éclaircir. Allez-y. Moi, je veux revenir avec ce que tu es déjà allé faire une conférence. Tu es revenu plus dernièrement. Le centre de la Terre me travaille pas mal vers moi. Il y a énormément de choses qui se passent sur Terre, comme l'isolation, là, ça craque partout, ça vide partout, puis il y en a encore énormément de liens. Il y en a encore deux en 81 et 82. 82 San Francisco, 81 le Pérou, l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que le centre de la Terre a à voir avec ça? Puis si on est avec notre. Là, tu vas dire, ben là, Richard Bell arrête de parler, tu vois, trois questions dans le. Non, c'est pas ça, je vais répondre. Je vais répondre une chose qui est importante. Surtout des gens qui sont dans le public. La première chose que vous devez apprendre, c'est de ne jamais vous servir de la prophétie pour faire avancer les choses. Parce que la prophétie ne fait pas avancer les choses, elle trouble les gens. Parce que les choses n'arriveront jamais dans le temps que vous pensez. Les choses vous seront toujours voilées. Alors, le tremblement de terre à Montréal en 84, comme tu as prédit, c'est... J'ai jamais prédit le tremblement de terre à Montréal en 84. Lisez tous les records de ce que j'ai dit. J'ai jamais fait de prophétie. Je me suis toujours opposé à la prophétie, puis je me poserai toujours à la prophétie. Parce que je ferai jamais de prophétie. J'ai dit des choses importantes à livrer en 84, dans ma vie personnelle. Mais les gens font d'overtime. Ça passe d'une bouche à une autre bouche à une autre bouche, puis rendu au bout, c'est quelque chose. Je peux vous en compter des histoires, des légendes déjà qui existent. C'est quelque chose. C'est une étiquette. Mais j'allais dire, qu'est-ce qui mène là-dedans? Est-ce que c'est vraiment extérieur ou c'est une part à l'intérieur? Dans l'évolution de la terre, on fait partie qui provoque des choses. Là, pas provoquer, mais fait. Arrive ces choses-là. Les choses qui se produisent sont liées au karma humain. L'humanité a engendré des forces et l'humanité doit revivre ces forces-là. Puis ces forces-là se manifestent sur le plan tellurique. Mais le point que je veux faire, qui est important, c'est de ne pas vous servir de prophétie. Parlez jamais au niveau prophétique quand vous voulez parler du monde. Parlez au monde. Si vous parlez au niveau prophétique, vous parlez avec la préscience du futur et non la science de l'avenir. Puis il y a une grande différence entre le futur et l'avenir. Le futur ne se produit jamais. Comment on fait pour faire la différence? C'est le discernement. Puis rendu au point où vous avez le discernement, ils vont vous couper les cordes puis vous pourrez pas le parler. Ça fait partie, faut que tu comprennes, ça fait partie de ton évolution, ça fait partie de ta sensibilité. T'as une grande sensibilité, t'as une grande capacité de jaser, t'as une grande capacité de faire passer l'information, mais les cases sont pas ajustées, fait que ça sort pas toujours droite, ça sort croche. Mais un jour, ça va sortir droite, quand ça va sortir droite, à ce moment-là, tu vas faire quelque chose que tu sais même pas aujourd'hui. Parce qu'ils vont pas te le dire. Parce que s'ils te le disent, tu vas t'accrocher à la forme de ça, ça va tout retarder le travail. Maintenant, je comprends pas plus. Quand tu parles, apprends à parler, à en dire moins. Si tu me demandes une question, m'envoie une question, donne-moi pas tout un statement. Tu me demandes une question, puis tu me demandes ensuite si ça coïncide avec ta question. Tu perds d'énergie. M'envoie une question, montre-moi. Ou je te réponds pas, suivant la situation. Parce qu'il faut considérer une chose, surtout les gens qui ont de l'intelligence encore. Quand vous avez de l'intelligence, il faut que vous sachiez que la personne qui vous écoute n'a pas de patience. Moi, tu peux me parler toute croche, je peux t'écouter pendant 5-10 heures à me parler croche. Ça change rien parce que je sais que moi, je suis neutre. Fait que c'est bon, puis moi, je sais que c'est bon pour toi que tu te défoules un soir pis que tu me parles croche pendant 10 heures de temps. Moi, te laisser parler croche pendant 10 heures de temps. Mais tu peux pas demander au gars qui reste à côté de chez vous de t'entendre parler croche pendant 10 heures de temps, il va capoter. Il va dire, wow, je m'en vais chez nous, prends-le bien. Comme nous autres, d'ailleurs, on ne doit pas l'accepter. Exactement. Regardez quand les gens vous parlent, quand c'est trop croche, ça vous fatigue. Ça vous fatigue automatiquement. Et quand quelqu'un te parle un petit peu plus précis, mais là c'est plus facile, tu peux les tenir, tu peux les écouter pendant des heures de temps, plus longtemps. C'est ça qui arrive avec l'ajustement vibratoire. Il y a autre chose qui a aucun rapport avec ça, puis ça fait longtemps que je voulais savoir depuis le séminaire qu'on avait participé, les 7 niveaux d'évolution qu'on pouvait passer à travers, que ce soit dans les incarnations ou les réincarnations même, en ce moment, pour pouvoir évoluer. Nous avons nommé 7 maisons. C'est de la forme, là. 7 niveaux d'évolution de karma ou d'initiation qu'on avait à passer à travers. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet-là? Ça vous donne rien de savoir ça. Parce que ça, si, même si je vous le dis, ça se comprend pas, vous pouvez pas le comprendre. Tu nous as dit, Bernard, quand on avait des questions, qu'on pouvait te reposer la question. Vous pouvez me reposer la question, mais je pouvais vous la refuser encore. Puis si on te la repose encore, est-ce que tu vas te l'abuser deux fois? Ça dépend de ce qu'ils veulent faire, ça dépend des autres, c'est pas moi, je m'en fous. Répondre à des questions ou pas répondre. Tu nous as très bien expliqué, hein, qu'il y avait 7 niveaux, là, que ça pouvait être soit sous un plan, comment je pourrais dire, un plan invisible ou un plan visible. Tu m'en as vécu une. Tu sais que j'en ai vécu aussi une. Mais tu m'en as fait comme ça passer. Qu'est-ce que c'est que cette évolution-là? Qu'est-ce que c'est que cette initiation-là? Mandeur, ils vont te le dire. J'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. Bon, laisse avec ces deux-là. Attends les autres. C'est pas valable. C'est pas valable parce que tu... C'est pas mon intellectuel. Comment que c'est pas ton intellectuel? Ça fait partie encore de ta structure psychique. La structure psychique change, les questions changent. Est-ce que tu peux ton sang de télé, moi? Possible. C'est pas vraiment mal. Moi, je veux bien vous répondre n'importe quoi. C'est pas moi qui rentre déjà. Mais je crois que tu m'as pas répondu, c'était pas justement. J'ai dit à n'importe quoi. Eux autres, ils vont toujours se servir de moi comme outil pour faire un travail. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis à part de ça, la façon que vous autres vous concevez avancer dans la connaissance occulte, c'est pas la façon dont